بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: هل المسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام، خصوصا للنساء؟ Ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Est-ce que le musulman peut faire la salat en suivant l'imam depuis la radio? Maintenant, l'imam il récite et sa récitation elle est diffusée par l'intermédiaire d'une radio ou de la télévision ou à notre époque Internet, les réseaux, etc. Et maintenant, on a choisi cette question. Les an al ba'd yadhunnun annahu c'est permis. Et avec le confinement, pardon, il se demande est-ce que c'est permis Matalan de suivre imam al-haram ou un autre pays qui font tarawih et wahed il est derrière cet écran ou même s'il allume pas l'écran avec l'intermédiaire de la radio ou autre, et quand l'imam il fait le recours, quand l'imam il se relève, il fait la salat avec eux, est-ce que c'est permis? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون، لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع. هذا سيبا بيرمي، إن أوكان دود. لماذا؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن لو بوت دو صلاة الجماعة سي دو سو راسمبلي دون ان ميم اندروا. قال: فلا بد أن تكون في موضع واحد، سا دو اتخ دون لو ميم اندروا. أما الإمام مثلا إلي مكة، et nous on est dans un autre pays et on le suit chez nous en suivant sa récitation à la télévision, à la radio ou autre, فهذا, il n'y a aucun doute que c'est pas une salat jama'a, c'est pas une salat en commun. قال أو تتصل الصفوف بعضها ببعض كذلك les rangs. Salat al-jama'a, il faut que ça soit des rangs, le premier, le deuxième, le troisième. Amma, des milliers de kilomètres entre nous et cette jama'a, même si c'est en direct, هذا سيبا بيرمي. قال ولا تجوز الصلاة بواسطتها أي الراديو والتلفزيون وذلك لعدم حصول المقصود بهذا. Donc c'est pas permis de faire salat tarawih en suivant un imam ou un groupe de croyants qui font salat en direct par l'intermédiaire de la radio ou de la télévision ou autre. هذا كلام شيخ ابن عثيمين. كذلك ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz رحمه الله. قال ليس لك ذلك تصلي وحدك إذا لم تستطع الخروج إلى الجماعة. Hey, c'est pas permis. Si tu ne peux pas faire salat en jamaa, مثلاً ce qu'on vit actuellement, on peut pas faire salat en jamaa في التراويح ou autre. On n'a pas le droit. قال وإلا فعليك أن تصلي في المساجد etc. Si tu peux faire salat dans un masjid, tu fais. Si tu peux pas, tu fais tout seul chez toi. Et كذلك والحمد dans la dernière fatwa qu'on a lue, tu peux faire chez toi avec ta famille, avec les personnes, avec tes proches. كذلك اللجنة الدائمة, la même question. فقالوا لا تجوز, أي c'est pas permis. سواء كانت فرضا أم نفلا, que ça soit une salat obligatoire ou recommandée. Donc, on n'a pas le droit de suivre un imam par l'intermédiaire de la radio ou la télévision autre, même si c'est en direct, que ça soit pour les salats obligatoires comme الظهر والعصر etc. ou pour التراويح qui n'est pas obligatoire. قال ولو سمعت قراءة الإمام والتكبيرة, même si tu entends sa voix et tu entends sa récitation et son takbir etc. même si tu es chez toi et la salle de jamaa مثلاً elle est à quelques mètres, quelques kilomètres, voilà, c'est pas considéré salat al jamaa. Celui qui veut faire salat al jamaa, il doit aller au masjid bien sûr. هذا ça concerne les femmes, beaucoup de femmes, elles se posent cette question en temps normal quand elles ne peuvent pas aller au masjid. Est-ce qu'elles peuvent faire salat chez elles si elles entendent la salat, même à la télévision, la radio, même si le masjid il est pas loin de chez elles et avec les enceintes, etc. Elle entend. Ou ça concerne كذلك cette situation qu'on vit avec ce confinement. على كل حال, هذا c'est pas permis. Donc النصيحة c'est que chacun fasse salat bien sûr chez lui, et celui qui peut faire une jama'a chez lui, même deux personnes ou trois ou plus avec les membres de sa famille, فهذا فيه خير والحمد لله رب العالمين ونكتفي بهذا